Chapitre 77. La côte de Provence, Toulon, Nice, la Corse. Discussion entre les matelots. Quelle est la plus belle province de France? Comment André les met d'accord? Ayant tous un même cœur pour aimer la France. Après avoir ramené son frère à la maison, André continua d'aider toute la journée Jérôme à charger le bateau, auquel le patron avait donné le nom de la ville d'Aix, en souvenir de son pays natal. Le lendemain, ce bateau, aussi modeste et pauvre que le paquebot à vapeur était superbe, mit de bonne heure à la voile. « Le vent est favorable, disait Jérôme. Il faut en profiter. » On sortit du port et on passa devant les forts qui le protègent, devant les murailles qui s'avancent en mer, pour le défendre contre la violence des vagues. Enfin, on vit s'ouvrir l'horizon sans limite de la pleine mer, qui semblait dans le lointain se confondre avec le ciel. Julien ne pouvait se lasser de regarder cette grande nappe bleue sur laquelle le bateau bondissait si légèrement. Le vent enflait les voiles et on marchait vite. André observait la manœuvre avec attention, pour apprendre ce qu'il y avait à faire. La mer était bonne et les deux jeunes lorrains n'éprouvèrent pas le mal de mer. Ce malaise suivi de vomissements dont sont pris souvent ceux qui vont sur mer sans y être habitués. Le long du chemin, le patron et les deux hommes d'équipage, lorsqu'ils se trouvaient à portée de Julien, lui adressaient la parole et lui montraient les divers points de la côte. Du bateau, on put apercevoir longtemps la ville de Marseille, dont les innombrables maisons se pressaient au bord de la mer, le clocher de Notre-Dame de la Garde surmonté d'une statue colossale qui brillait de loin au soleil, enfin la ceinture de hautes collines qui s'élevait de chaque côté de la ville, baignant leurs pieds jusque dans la mer. « Comme elle est belle, cette côte de Provence, dit Julien. Elle est toute découpée en capes arrondies. Comment donc s'appellent ces montagnes qui ondulent là-bas à droite ? Ce sont les montagnes qui entourent Toulon, répondit le père Jérôme. Toulon est là-bas, tout au fond. Voilà encore un port superbe. Seulement, ce ne sont plus des navires de commerce qui s'y abritent, comme à Marseille. Ce sont des vaisseaux de guerre. Car Toulon est notre grand port de guerre sur la Méditerranée. Les navires de guerre ne sont pas moins curieux à voir que les paquebots de passagers. Là, tout est bardé de cuivre ou de fer, tout est cuirassé pour résister aux boulets ennemis, et de chaque côté du pont, on voit les gueules menaçantes des canons. C'est dommage que nous ne passions pas par Toulon. Merci, petit, cela allongerait un peu trop notre route. Nous allons tout droit à Sète, sans perdre de temps. Le bateau allait vite, en effet, et parfois la poussière humide des vagues arrivait jusque sur la figure de Julien. Celui-ci voyait toujours se succéder devant lui les côtes et les golfes de Provence, bordés de montagnes. « Quelle superbe contrée, disait le patron Jérôme, que cette Provence toute couverte d'oliviers, de pins et d'herbes odorantes. C'est mon pays, ajouta-t-il fièrement. Et vois-tu, petit, à mon avis, c'est le plus beau du monde. » « Patron, dit l'un des marins, le lieu où l'on est né est toujours le premier du monde. Ainsi, moi qui vous parle, je ne connais rien qui ne me rie au cœur comme le joli comté de Nice, car je suis né là, sur la côte, dans une petite maison entourée d'orangers et de citronniers, qui toute l'année sont couverts de fleurs et de fruits. Ma mère était sans cesse occupée à cueillir les citrons ou les oranges pour les porter à Nice sur sa tête, dans un grand panier. Nulle part je ne vois rien qui me paraisse charmant comme nos bois toujours verts d'orangers, de citronniers et d'oliviers, qui descendent des hauteurs de la montagne jusqu'au bord de la mer. Tout vient si bien dans notre chaud pays. Il y a autant de fleurs en hiver qu'au printemps. Pendant que la neige couvre les contrées du nord, les étrangers malades viennent chercher chez nous le soleil et la santé. « Et la Corse, donc ?» s'écria l'autre marin. « Quel pays ! Quelle fertilité ! » Elle a en raccourci tous les climats. Sur la côte du côté d'Ajaccio, c'est la douceur du midi. Notre campagne est pleine aussi d'orangers, de lauriers et de myrtilles, comme votre pays de Nice, camarade. Nos oliviers sont 10 fois hauts comme ceux de votre Provence, patron. Et le cotonnier, le palmier peuvent croître chez nous, comme en Algérie. Cela n'empêche pas qu'on trouve sur nos hautes montagnes 9 mois d'hiver, de neiges et de glaces. Et de grands pins qui se moquent de l'avalanche. Oui, dit le patron, mais vous n'avez pas de bras chez vous. La Corse est dépeuplée, et vos terres sont incultes. Patron, c'est vrai. Nous tenons plus volontiers un fusil que la charrue. Mais patience, nos enfants apprendront à lire, et ils comprendront alors le parti qu'ils peuvent tirer des richesses du sol. En attendant, la France nous doit le plus habile capitaine du monde, Napoléon Ier. Eh bien, moi, dit le petit Julien, qui était content aussi de donner son avis, « Je vous assure que la Lorraine vaut toutes les autres provinces. Il n'y a point d'oranger chez nous, ni d'olivier, mais on sait joliment travailler en Lorraine, les femmes comme les hommes, et l'on a su s'y battre aussi, car nous avons eu Jeanne d'Arc et de grands généraux. » « Alors, pour nous mettre d'accord, dit André en souriant à l'enfant, Disons donc que la France entière, la patrie, est pour nous tout ce qu'il y a de plus cher au monde. Bravo, vive la France, dit une même voix le petit équipage. Vive la patrie française, reprit le patron Jérôme. Quand il s'agit de l'aimer ou de la défendre, tous ses enfants ne font qu'un cœur. Notre-Dame de la Garde à Marseille. Cette église très vénérée des marins est bâtie sur une hauteur et domine toute la ville. On aperçoit de loin en mer sa tour aiguë et la statue de la Vierge qui la surmonte. À gauche se trouve un sémaphore, c'est-à-dire un poste, d'où l'on fait des signaux aux navires qui passent en mer. Un vaisseau cuirassé. On appelle de ce nom des vaisseaux tout entourés d'une épaisse cuirasse de fer, sur laquelle les boulets glissent sans pouvoir s'enfoncer, et qui sont ainsi sur l'eau comme des forteresses flottantes. Les vaisseaux de premier rang ont 3 ponts et 120 canons. Notre flotte française, la plus forte après celle de l'Angleterre, compte 50 vaisseaux à vapeur cuirassés et en tout 430 bâtiments de guerre. Bois d'oranger aux environs de Nice. L'oranger, ce bel arbre aux fleurs si suaves et aux fruits d'or, fut apporté dans nos pays pendant les croisades. Ses fruits mûrissent au printemps. Ils ne peuvent vivre en pleine terre que sous les chauds climats de la Provence, du comté de Nice et du Roussillon. Palmiers. Les palmiers sont une famille d'arbres de haute taille, couronnés à leur sommet par un faisceau de larges feuilles, dites palmes. Le principal des palmiers est le dattier, qui produit les fruits sucrés appelés dattes.